Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, mon frère. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, ma sœur. Lorsque Dieu t'est béni, la première chose que tu dois faire, c'est de savoir soutenir son œuvre. Et lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, un vœu pour soutenir son œuvre, un vœu pour soutenir les serviteurs de Dieu, il faut s'acquitter de ce vœu. Pourquoi oublies-tu de soutenir l'œuvre de Dieu et tu donnes la priorité à tes besoins? La Bible dit « Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus. » Réveille-toi, nous sommes à OSB. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Nous allons lire Juges 8, 22 à 34. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Juges 8, 22 à 34. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et les filles de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui car il eut plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Amen. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal Bérite pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tous les biens qu'il avait fait à Israël. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous avons des erreurs que nous devons éviter. Et nous allons voir ici trois erreurs ou trois pièges que chaque chrétien ou leader devrait éviter. Premier piège, évitons le piège de chercher à rejeter les rênes de Dieu pour que nous-mêmes nous puissions chercher à dominer ou à régner. Vous voyez, en réalité, en Israël, les régimes qui prévalaient, c'était la théocratie. C'est Dieu qui règne, vous voyez. Et la demande du peuple qu'ils ont faite à Gédéon, c'était un piège. Il dit, domine sur nous. Nous pouvons parfois être tentés par l'orgueil. Les gens disent, domine sur nous, parce que c'est toi qui nous as délivrés. Mais Gédéon n'a pas répondu favorablement. Il savait que c'était un piège. Il a dit, non. Moi, je ne vais pas régner sur vous. C'est l'Éternel qui va régner sur vous. Vous voyez, les gens peuvent parfois chercher à nous élever. Tu peux être un grand homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Tu peux être un grand directeur. Tu peux être un grand commandant. Tu fais des exploits. où les gens te félicitent. Mais fais attention, ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Même lorsque les gens te jettent des éloges, mais tu dois toujours te mettre à ta place et savoir élever le Seigneur. C'est ce que Gédéon a compris lorsqu'ils ont demandé de régner sur eux. Mais lui dit, non, c'est l'Éternel qui va régner. Deuxième piège, évitons le piège de l'amour de l'argent et des richesses. Parce que cela peut nous conduire à l'idolâtrie. Gédéon n'a pas succombé au premier piège, mais au deuxième piège, il a succombé. Parce que c'est lui-même qui va demander de l'or, il va demander l'argent. Mais nous voyons que cela va le conduire à l'idolâtrie. Et c'est malheureux. Faisons donc attention. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 24, Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que Gédéon a fait de ces anneaux-là? Écoutez maintenant. La Bible dit ici, au verset 27, « Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. » Vous voyez? Donc, il a fait un éphod et les gens commençaient à aller, en quelque sorte, pour adorer. Vous voyez, il y a un piège. Lorsque nous nous livrons à l'amour de l'argent et des richesses, l'argent, les richesses peuvent devenir des dieux. C'est pourquoi nous devons faire attention. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Dieu t'a donné une belle maison. Dieu t'a donné une belle voiture. Tu as des comptes bancaires, mais fais attention. Il ne faut pas que tu te laisses dominer par l'amour de l'argent au point où tu oublies même ta relation avec Dieu. Au point où des rendez-vous, lorsqu'on te dit, viens au culte, il y a un temps d'enseignement, tu n'as plus de temps parce que tu as des marchés à négocier. Dans ta tête, tu ne vois que l'argent. Fais attention. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le mal. Quelques-uns en étant possédés se sont jetés loin de la foi. Et ils se sont jetés dans bien des tourments. Donc, évitons ce piège-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui entrent dans des réseaux mystiques, des réseaux occultes, parce qu'ils veulent gagner l'argent par tous les moyens. Je vais avertir un jeune prophète, fais attention. Il y a des gens qui te demandent d'entrer dans les réseaux. Mais il faut prier le Seigneur pour qu'il te montre qu'est-ce qu'il y a autour de ces réseaux. Il y a des réseaux que nous voyons où les gens proclament les richesses, mais l'origine de ces richesses, parfois, n'est pas propre. Ne tombe pas dans ce piège-là. Troisième piège à éviter, c'est le piège de l'ingratitude. Nous vivons dans un monde où les gens sont ingrats. Tu vas voir, tu vas faire du bien à quelqu'un, tu vas aider quelqu'un. Mais plusieurs années après, la même personne ne reconnaît même pas, ne sait pas te rendre l'ascenseur. Vous voyez ici, les enfants d'Israël, après la mort de Gédéon, ils ont oublié comment Gédéon, il les a délivrés. Il s'est sacrifié pour la nation d'Israël. Vous voyez? Ils ont oublié même ce que Dieu a fait pour eux. Ils se sont détournés. Nous sommes dans un monde d'ingratitude. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Lorsque tu vois un monsieur qui t'a aidé, une famille qui t'a aidé, c'est à partir de cette dame-là que toi aujourd'hui tu es arrivé en Europe. Tu es arrivé aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui t'a aidé même pour avoir le visa. Quand Dieu te bénit, il faut que tu sois reconnaissant. Pense à la personne. Lorsque quelqu'un t'a aidé à avoir une relation, écoute-moi bien, ne cherche pas maintenant à combattre la personne. Toi, tu ne connaissais même pas ce ministre-là. Toi, tu ne connaissais même pas cette entreprise-là. C'est la personne, c'est cet ami qui t'a connecté. Mais d'où vient que toi, maintenant, tu vas chercher à combattre la personne même qui t'a connecté? Vous voyez, ça, ce ne sont pas des choses qu'on devrait trouver dans le milieu chrétien. Il faut être reconnaissant envers les autres, envers Dieu d'abord, mais envers aussi des personnes qui nous ont aidés. Il faut manifester la reconnaissance. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter. Le texte nous dit ici, au verset 33, « Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençaient à se prostituer au Baal. Ils prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tous les biens qu'il a fait à Israël. » Je vais encourager une dame, tu vois, ne te sens pas découragé. Il y a des gens à qui tu as fait du bien aujourd'hui. Tu ne travailles plus, les mêmes personnes, ils commencent à se moquer de toi. Attache-toi à Dieu, vous voyez? On dit les mêmes personnes, ils ont oublié tout ce que Gédéon a fait. En principe, lorsque quelqu'un a fait du bien, même après sa mort, manifester la reconnaissance même à ses enfants ou à ses petits-fils. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier ce Dieu qui nous révèle toutes ces vérités et demander qu'il puisse nous aider à ne pas tomber dans ce piège. Mais nous allons d'abord l'adorer en chantant ces cantiques. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis. Adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens. Les consolateurs, il vient nous remplir de ta présence. Oh, ta présence qui nous donne la victoire. Oh, que ton nom soit élevé dans nos vies. Cher Saint-Esprit, alléluia. Tous ensemble, je vais t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Pour te servir, Gloire au Seigneur. Nous allons élever nos voix. Bénissons l'Éternel, le Dieu qui ne nous oublie pas. Même quand les gens nous déçoivent, lui ne nous déçoit pas. Lui ne peut jamais nous oublier. Il est le Dieu fidèle. Élevons nos voix. Bénissons son Saint-Nom. Nous élevons ton nom, ô Éternel notre Dieu, toi le seul digne d'être élevé et glorifié. Tu es le seul digne de dominer dans nos vies. Tu es le seul digne de nous diriger et de contrôler tout notre être. Ô sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui donne la paix. Oui, nous voulons te louer en ce moment, t'adorer toi seul, t'adorer de tout notre être, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre volonté, parce que tu en es digne, ô notre Dieu, notre Père. Toi, le Dieu insondable, le Dieu vivant, nous t'élevons dans nos vies et nous te glorifions. Sois béni, notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu qui veut que nous te soyons reconnaissants. Oui, nous voulons réellement être reconnaissants en ce moment pour tous les bienfaits, Seigneur. Envers nous, oui, tu es le Dieu qui nous comble de toutes sortes de grâces et de bénédictions. C'est pourquoi nous t'élevons, nous te glorifions, notre Père, notre Seigneur. Toi, le Père des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Juges 8, 22 à 34. Nous voyons que nous devons éviter certaines erreurs ou certains pièges. Le premier piège que nous devons éviter, c'est le fait de chercher à régner ou à dominer en rejetant le règne de Dieu. C'est le piège aussi de l'orgueil, de chercher à être vu au lieu que le Seigneur soit vu et glorifié. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre et nous préserve de cet orgueil-là, même au niveau de l'Église, au niveau de nos responsabilités, que le Seigneur lui-même puisse régner et non nous. Prions le Seigneur. Tendre Père, non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons la gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause des grandes choses que tu réalises dans notre vie chaque jour. Nous exprimons au Père éternel notre reconnaissance pour tous tes bienfaits, pour ta sécurité et pour ta protection. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que tout esprit d'orgueil soit ôté de nous. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que toute attitude, toute tendance à mettre de côté ton nom, à mettre de côté ton honneur, à mettre de côté tes performances pour mettre les nôtres devant, soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Et tu as dit par la bouche de l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons réaliser, c'est toi qui le réalises. C'est toi qui nous fortifies. C'est toi qui nous capacites pour le faire. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous utilises pour l'avancement de ton œuvre. Tu nous utilises pour les réalisations, les grandes réalisations en ton nom. C'est pourquoi ce matin, nous élevons ton nom, nous proclamons ton Saint-Nom et nous déclarons que tu es Dieu d'éternité en éternité. En toi, il y a la vie et la vie est la lumière des hommes. Nous disons merci Père éternel parce que tu nous sécurises et que tu nous gardes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons aussi éviter le piège de l'amour de l'argent qui peut nous conduire à l'idolâtrie. Gédéon a succombé à ce piège-là. Prions le Seigneur afin que, quand bien même il nous bénisse, quand bien même il nous donne l'argent, il nous donne les biens matériels, que ces biens matériels ne constituent pas un piège au point de nous détourner de lui. Prions le Seigneur. Te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation. Dans ta parole, tu nous dis que c'est toi qui es notre part. Quand tu nous appelles à ton service, nous devons dépendre de toi par les offrandes, les dîmes. Mais l'amour de l'argent, quelquefois, nous amène à poser des actions graves dans la maison de Dieu. Ça nous amène à avoir des mauvais choix, à poser des actions peu recommandables dans ta maison. Oh Seigneur, combien de fois beaucoup de serviteurs servants de Dieu dans ta maison, l'amour de l'argent, oh Seigneur, nous amène à pécher contre toi, à nous détourner de toi. Seigneur, aller dans le camp du diable, à vendre même notre corps, à ne plus assez prier. Nous venons à toi, Seigneur. Aide-nous à être éclairés par ta parole, par ton esprit. Conduis-nous à être des hommes de prière, à avoir ta crainte, notre Dieu, notre Père. Que ta maison ne devienne pas une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Une maison de prière, une maison de foi, où la crainte de Dieu, ô Seigneur, nous accompagne. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons aussi que nous devons éviter les pièges de l'ingratitude. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons été ingrats. Nous nous sommes détournés de lui. Nous n'avons pas été reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et nous n'avons pas manifesté de la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous ont soutenus, de ceux qui nous ont aidés. Prions le Seigneur afin qu'il nous délivre de cet esprit et que nous soyons des hommes et des femmes qui manifestent la gratitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ceux qui nous ont aidés. Prions le Seigneur. Oh, Seigneur, ta parole est la vérité et sanctifie-nous par la vérité. Ce matin, nous venons à toi parce que parmi nous, certains sont ingrats. Certains ne reconnaissent pas que tu donnes la vie. C'est toi qui leur as donné la vie, la femme, les enfants, la paix, le travail. Certains ne reconnaissent pas que c'est par ce canal qu'ils ont été bénis. Ils oublient ce canal et ils s'enorgueillissent avec leur bien, avec leur grâce, avec leur bénédiction qu'ils ont entre les mains. Et ils oublient leur canal. Ils oublient ceux qui ont prié pour eux. Ils oublient ceux qui les ont soutenus. Ils oublient ceux qui leur ont donné des conseils spirituels, qui leur ont aidé dans le jeûne, dans la prière. Ce matin, Seigneur notre Dieu, aie pitié de quelqu'un ce matin. Sanctifie la vie de quelqu'un. Que quelqu'un se répande. Que quelqu'un abandonne. Selon ta parole qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci d'accorder ta miséricorde à quelqu'un. Père, merci aussi de nous libérer ton esprit afin que nous soyons reconnaissants pour tous tes bienfaits, pour que nous soyons reconnaissants envers les hommes que tu as utilisés, pour que nous retournions vers les hommes pour te dire merci. Oui, au travers d'eux, nous avons été bénis. Au travers d'eux, tu nous as donné une grâce particulière. Merci, cher Saint-Esprit, parce que nombreuses sont des personnes qui se lèvent et qui viennent à la radio pour être reconnaissantes pour tous les bienfaits de la radio et envers ses serviteurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons notre grand rendez-vous Bonheur conjugal pour le couple marié ce dimanche 5 juin 2016 à partir des 17h au lieu habituel, c'est-à-dire la salle climatisée du CPE. Nous voulons parler de la colère. La colère, ses causes, ses origines, ses manifestations et ses conséquences dans la vie d'un couple et de la famille. Nous allons examiner les origines proche et lointain de la colère, et prier pour que Dieu nous préserve. Parce qu'il y a certaines décisions que nous prenons dans nos couples, dans nos familles, qui peuvent avoir des répercussions très graves parce que nous avons pris des décisions sous l'effet de la colère. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.